Votre mission dans la courte échelle, si vous l'acceptez. Votre mission dans la courte échelle, si vous l'acceptez. Et de faire écouter à vos auditeurs des artistes indépendants talentueux. Préparez-toi, mon pote. Soyez toutes et tous les bienvenus dans ce second numéro de cette nouvelle année 2022. Si vous n'étiez pas avec nous la semaine dernière, eh bien je vous réitère tous mes vœux de bonheur. La semaine dernière, la playlist était réalisée par les artistes même de la courte échelle, comme d'ailleurs pour la dernière émission de 2021. Cette semaine, nous reprenons le cours des choses normales, c'est-à-dire que je vais vous présenter les nouveautés de la scène indépendante internationale. Rassurez-vous, si vous avez apprécié la dernière émission de 2021 et la première de 2022, ça se refera, ce genre d'émission, dans le courant de cette saison jusqu'en juin de cette année. Et pour commencer, eh bien voici un titre bien à propos, ça s'appelle « Un an de plus » et c'est le chanteur Maïso. « Un an de plus », c'est un titre extrait de l'album « Le Tic-Tac » de Maïso qui vient de sortir. C'est une chanson personnelle, mais Maïso a remarqué qu'elle a parlé à beaucoup de gens pour différentes raisons et le confinement n'y a pas été pour rien. Mon amour, je ne fais pas de trêve, et dans le bruit qui court, je peux toucher ses lèvres, voir ses yeux de velours, devant un café crève. Un an de plus à vivre ensemble, un an de plus quand on y pense, un an de plus la même danse. Un an de plus à vivre ensemble, un an de plus quand on y pense, un an de plus la même danse, un an de plus je prends ma chance. Très chargé aujourd'hui, j'essaye toujours de vous passer le maximum d'artistes. Voici pour vous Priscilla Wallmer avec Indifférence. C'est là une photographie de l'époque actuelle, l'incarnation de nos contradictions. Patricia Wallmer est née à Créteil. Devant un café crème. C'est comme un goût amer, je sais pas très bien si c'est la vie. Faudra bien redescendre sur terre, ici ce n'est pas le paradis. Et si tu crois que c'est l'enfer, viens donc ici voir leur vie. Entre la porte de la chapelle et la Seine-Saint-Denis, viens voir le bal des abusés, des abribus aux amusés. Tu sentiras peut-être la misère qui qui s'étale à tes pieds. Mais la Parisienne s'en fout, elle pense juste à son rendez-vous. Puis malgré tout, on voit ça un peu partout. Indifférence, un parfum de souffrance. Indifférence, et dire qu'on est en France. Indifférence, un parfum de violence. Indifférence, et toi qu'est-ce que t'en penses? C'est comme si c'était hier, mais pourtant c'est bien aujourd'hui. On aimerait des rues sans misère, mais Paris respire les soucis. C'est si facile d'être dans sa sphère quand on ne vit pas leur vie. Y'a ceux qui meurent la rue de Courcelles et ceux qui dorment au quai de Valmy. Des hommes s'échouent sur le périph', déplacés comme de vulgaires pions. Sur l'échiquier on retrouve l'Afrique, le crack et l'émigration. Mais tu t'en fous, tant qu'on vote pour toi c'est tout. Puis après tout, ce n'est qu'un mur de rien du tout. Indifférence, un parfum de souffrance. Indifférence, et dire qu'on est en France. Indifférence, un parfum de violence. Indifférence, et toi qu'est-ce que t'en penses? C'est quand même qu'une question de frontières. On parle de la circulation, on dresse ici des barrières pour freiner leurs aspirations. Ça brasse de l'air dans les sommets d'élite, croyant détenir la solution. Mais suffit de repasser sous le périph', tu verras que ça ne tourne pas rond. Indifférence, un parfum de souffrance. Indifférence, et dire qu'on est en France. Indifférence, un parfum de violence. Indifférence, et toi, qu'est-ce que t'en penses? La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Gilles Arnaud est artiste, auteur, compositeur et musicien d'orchestre depuis plusieurs années. Il est passionné par la chanson française. Il a toujours aimé écrire et composer pour les autres. Il a réalisé 5 albums autoproduits. Le voici avec Tatoué. Je n'avais pas prévu ça, de tomber dans ce déluge. Mais pourquoi j'étais là? Je n'avais aucun refuge. De son regard, son aura. Depuis ce jour, rien ne va. Elle m'a tatoué le cerveau. Je ne peux plus l'effacer. Comme un coup de chaud de sa plume, elle m'a ancré. Elle m'a tatoué le cerveau. Je ne peux plus l'effacer. Je l'ai dans la peau. De sa plume elle m'a ancré. Je ne voyais pas ça comme ça. Je vais sortir du naufrage. Fallait que ça tombe sur moi. Je rêvais d'un autre voyage. Son regard, son aura. Depuis ce jour, rien ne va. Elle m'a tatoué le cerveau. Je ne peux plus l'effacer. Comme un coup de chaud de sa plume, elle m'a ancré. Elle m'a tatoué le cerveau. Je ne peux plus l'effacer. Imprégné dans la peau, de sa plume elle m'a ancré. C'est vrai, je n'y croyais pas. Je suis comme envoûté. Je me moquais trop parfois. Ça pouvait pas m'arriver. Elle m'a tatoué le cerveau. Je ne peux plus l'effacer. Comme un coup de chaud de sa plume, elle m'a ancré. Chaque semaine, La Courte Échelle vous propose les nouveautés de la scène indépendante internationale et dans tous les styles. Et justement, pour illustrer ces dires, voici Gela Zilka et Super Soul la Jazz avec I Can Recall. December, the leaves were brown on the ground. In Spain, I did love and adore you. The nights filled with joy of our yesterdays, and tomorrow will bring you near me. I can't break out my desire, free of revelry. Le titre exact de ce morceau de Gela Zilka, c'est Spain, I Can Recall. Le rendez-vous des artistes indépendants. Le rendez-vous des artistes indépendants. Voici Mademoiselle B, My Blue Shoes. Le single est sorti le 7 janvier dernier. Son album sortira fin mars. Et bien sûr, vous aurez des nouvelles de celui-ci en écoutant La Courte Échelle. Emmêlée dans mes propres J'ai trouvé qu'une chaussure à mon pied, elle a le spleen d'un bon trekking. Mais j'ai trouvé qu'une chaussure en aille. I'm the woman, I'm the woman, I'm the woman with the wrong shoe. De champagne, tu veux que mes larmes je les laisse en haut de la montagne, tu veux que je change tout l'envers de ma penderie. Mais j'ai trouvé qu'une chaussure à mon pied, elle aime la rando des jours moins beaux. Mais j'ai trouvé que cette chaussure, oh I, I'm the woman. Chaussure à mon pied, elle ne craint l'avalanche de sa décadence. Mais j'ai trouvé que cette chaussure, oh aïe, blue shoe, wrong shoe, blue shoe, oh, blue shoes, wrong shoe, blue shoe. C'est Serge, un parcours assez atypique. Il est originaire de Moselle. Après 35 années d'activité professionnelle en qualité d'infirmier libéral, il décide de donner une vie à ses textes. En effet, il est passionné de chansons depuis l'adolescence. C'est suite à une heureuse rencontre avec un compositeur et réalisateur de clips, un nommé Big Ballot, il a saisi cette chance pour concrétiser son rêve. Le voici avec Amour flou. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Salomon, amoureux fou, au loin, des lumières un peu floues, besoin de rien, que de nous. Notre amour flou. Sans une thune, pour unique fortune, un amour intense, destructeur, destructeur, destructeur, destructeur, qui vous arrache le cœur. Une thune. unique fortune, un amour intense, destructeur, qui vous arrache le cœur. On s'aimait comme des fous partout. Ce soir, tu me vertiges, c'est fou. Tu me vertiges. Dis-moi, te souviens-tu de nous, de notre amour fou, notre amour flou. Nous parlions au bonheur avec c'est Serge, et bien ça tombe bien puisque voici à la bonheur comme le bonheur avec Nu-Pieds. La courte échelle. Sur le béton. Et peut-être qu'un jour j'abandonnerai ces bonnes vieilles baskets. Alors mes pieds ne sentiront plus la poudre d'escampette. Que vos chaussures soient d'ici ou bien l'autre côté du globe. Lâchez vos Nike, elles vous coupent de la terre. Moi c'est mes pieds que j'irai faire à la bonne heure. Le tour de mon havre de verdure et de fraîcheur. Sur le béton. Aujourd'hui, ce dont je suis sûr, c'est que je ne suis sûr de rien. Mais je n'oublierai jamais ces humains qui vivaient nus de presque rien. J'ai toujours dans la tête des géants et des nains, et tous les jours devant mon nez, des pauvres et des pauvres, mais que les gens continuent d'insulter. laisse donc passer les gens. Tu vois bien que tu les gênes. À parler de rêves, tu les gangrènes. Mais j'espère bien que je les engraine. Moi qui rêve d'aller du pied. Mais pas sur le béton. La suite, c'est avec Garabello et J'appelle à l'amour. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Ce jeu dangereux, partagé entre la peine et la rage. Oh, dis-moi, dis-moi, qui a raison ou tort? La vie est bien plus forte que la mort. C'est pour ça que j'ai envie de crier. J'appelle à l'amour. Aujourd'hui, bien plus qu'hier. C'est juste une question d'humanité. Oh, dis-moi, dis-moi, est-il déjà trop tard? Il suffirait d'un peu d'espoir. C'est pour ça que j'ai envie de crier. J'appelle à l'amour. J'appelle à l'amour. Aujourd'hui, bien plus qu'hier. Instant d'évasion. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Voici Élie Pichard, il est musicien, compositeur et producteur lillois. Il réalise son projet musical de A à Z. Hear the screams from hell. hates your education. Mothers crying, soldiers bleeding. Are we the people living? You can't control your fascination. You see the life into pieces falling, running but no way for hiding. See in the world, you wanna change the whole. Feeling a drop on you, the tears of the world. Hearing you crying, can't stop blaming. Feeling the drop on you, the tears of the world. Heard someone been killed this morning. Who's now knocking? The years are passing, but the pain. Pour prolonger les fêtes encore un peu de 2 minutes 10, voici Rich Moutard qui vous propose une version survoltée de Vive le Vent. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Vive le vent. Dans un style totalement différent, voici Olivia Dorado avec À l'aide. Teresa Rudd est née à Londres. Elle chante et joue de la guitare depuis l'âge de 10 ans. À 18 ans, elle a rejoint un groupe universitaire avec lequel elle a enregistré un album de musique country en 1992. Elle a commencé à écrire ses propres chansons. La voici avec Chance and Fate. La courte échelle. écoutez La Courte Échelle, chaque semaine des talents à découvrir. Peggy James est américaine, la voici pour vous avec I Go Where It's Me. Le retour de la chanson française dans La Courte Échelle du jour avec Resté par habitude de Yann Alexander. La Courte Échelle. Chose de bien monotone qui défie les saisons de l'hiver à l'automne. Va donc savoir à quoi notre amour s'accroche. A-t-on vraiment raison? Vieillissons, voilà. Reste par habitude. On a passé tant de caps, faut que ça dure. Alors reste par habitude. Jusqu'à ce que le temps gomme nos incertitudes. Il doit bien nous rester deux, trois projets. Acheter une maison, un jardin et un chien. Et puis faut voir comme nos familles s'aiment bien. Allons, gardons raison, vieillir seul, non, alors reste par habitude. On a passé tant de cap, faut que ça dure. Alors reste par habitude, jusqu'à ce que le temps gomme nos incertitudes. Nos incertitudes, reste par habitude. On a passé tant de caps, faut que ça dure. Alors reste par habitude, jusqu'à ce que le temps gomme nos incertitudes. Alors reste. Voici le trio Gammy, c'est de la pop rock origamique selon leur dire, avec Feel Only the Wind. Thank you. entre deux albums, à savoir Éclat de vie, sorti le 14 février dernier, et le second prévu pour le printemps qui arrive. Fred Wem revient avec un nouveau single que l'on va écouter pour terminer la courte échelle du jour, et ça a pour titre Les Tourments. Fred Wem. C'est le bon plan, faire comme avant, courir tout le temps. Faut pas regarder devant et masquer tous les tourments. Que de l'action, pas de questions, ça tourne rond bien dans cette vie de con. Et surtout pas de réflexion, de belles idées, pas très risquées, faut travailler. Voyager, éviter d'avoir à penser, s'occuper pour se rassurer, pour se rassurer. Passe le temps, passe les vents, passe le temps, passe les vents, passe et pourtant, rien ne chasse les tourments. Chasse les tourments. Passe le temps, passe les vents, passe et pourtant. Apprendre à vivre, il serait temps. Apprendre à vivre, il serait temps. Finir sa vie sans le souci, tout rabougri, mais avec tout son esprit. Et regoûter cette eau de vie. Faire un grand feu, ce serait mieux. Oh oui, bon Dieu. De ces tourments venimeux qui empêchent d'être heureux. Il serait temps de laisser une trace, le nom d'une place. Pas à la casse. C'est pourtant que tout s'efface, que tout s'efface. Passe le temps, passe les vents. Passe le temps, passe les vents, passe et pourtant. J'avais encore aujourd'hui bien plus de titres qu'il n'en fallait pour cette émission. Ce n'est pas grave, on les écoutera la semaine prochaine si vous le voulez bien. Passe pourtant. Si vous voulez poursuivre cette émission un peu plus, allez sur le site de la courte échelle, www.lesemissionsdejeff.com. Il y a les podcasts, les playlists, tout ce qui concerne l'émission. D'ici la semaine prochaine, je vous souhaite le meilleur et soyez heureux. La courte échelle.